inspirafilm.com. Présentement, c'est le Volksfest chez Rainfray Volkswagen à Lévis. C'est le meilleur temps pour changer de voiture. Et Rainfray Volkswagen est prêt plus que jamais. Vous connaissez déjà les bas prix sur la Jetta. C'est pas juste une berline allemande de qualité supérieure. C'est le véhicule le plus abordable de sa catégorie. Pour un véhicule à bon prix, faites affaire avec Rainfray Volkswagen à Lévis pendant le Volksfest. Rainfray Volkswagen, 5355 Boulevard de la Rive-Sud à Lévis ou 24 heures sur 24 à rainfrayvw.ca. La santé vous tient à cœur? Écoutez Santé en direct animé par Joanne Verdon les samedis et dimanches à 8h au 89.1. Samedi 19 octobre 2013, aujourd'hui au Grain de sable d'Attaque Québec, j'aurai un entretien avec le sociologue Pierre Moutarde à propos de développement pétrolier en Équateur, suivi de l'éditorial du président d'Attaque Québec en première partie d'émission. Puis ce sera, dans la deuxième demi-heure, la chronique de Renaud Blais. Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est votre animatrice Michèle Lemonnette qui vous souhaite la bienvenue. Le Grain de sable, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. C'est une réalisation du collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, Attaque Québec. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Pierre Moutarde sur l'échec d'un appel à la communauté internationale pour préserver le parc Yasuni, mais aussi, évidemment, de développement pétrolier en Équateur. Mais d'abord, on va écouter ce qui suit. Yasunis Arte. Artistas por el Yasuní. En escena. Carlos Michelena. Jaime Guevara. Igor y Casa. Tambores y otros demonios. Humanizarte. Viernes 27 de septiembre. Teatro Demetrio Aguilera Malta, Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito. 7 de la noche. Entrada libre. Invita Yasunidos. Más información www.yasunidos.org. Búscanos en Facebook y Twitter. Yasunizarte. Artistas por el Yasuní. Venimos del mismo vientre, de la fuente de la vida. Donde terminan los Andes y empieza el cielo. Somos los hijos del suelo. Traemos un justo trato que cambiará la historia. No, no queremos lo que te sobra. Bonjour Pierre Moutarde. Bonjour. On ne fera pas jouer la chanson au complet, mais c'est un groupe d'artistes équatoriens qui s'est réuni pour faire cette chanson. Je crois que c'est en décembre 2011 et auparavant c'était l'annonce d'un spectacle autour de cette question de la préservation du parc Yasuni. C'est une question qui nous interpelle tous au-delà de l'Équateur, Pierre Moutarde. Oui, bien sûr, parce que c'est en fait à Yasuni même, c'est une grande, c'est un parc national où on préserve la nature d'une richesse extraordinaire en termes de biodiversité. C'est un parc, c'est tout à fait donc fabuleux, extraordinaire, une richesse de la nature, appartient au patrimoine écologique de la Terre, du monde, et on y a découvert d'importants gisements pétroliers dans les fin des années 90, début des années 2000. On peut presque dire hélas. Hélas, oui. Si important qu'on considère qu'ils représentent à peu près 20% des réserves actuelles de l'Équateur, l'équivalent de à peu près 920 millions de barils de pétrole qu'on pourrait extraire de ces gisements, de ces trois gisements qui se trouvent donc au cœur de ce parc national. Et donc c'est un parc protégé, c'est une zone protégée qui protège la biodiversité, parce que là on est en pleine Amazonie équatorienne, une des régions les plus riches en termes de biodiversité, d'ailleurs naturelle, végétale, etc., animale. C'est tout à fait fabuleux, c'est quelque chose d'unique, absolument unique. Et donc on a découvert ces trois gisements pétroliers et qui représenterait pour l'Équateur, qui est un petit pays d'une quinzaine de millions, qui appartient encore à la catégorie des pays dits sous-développés ou mal développés, dits du tiers-monde, donc représenterait des ressources assez importantes. Donc toute la question a été, au cours des débuts des années 2000, de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce qu'on préservait le parc national Yasuni ou est-ce qu'au contraire, on commençait l'exploitation du pétrole dans cette région? Oui, je mettrai d'ailleurs un lien sur notre blog pour que les gens aient voir toute la richesse et le côté effectivement exceptionnel du parc Yasuni. Là, il y a Rafael Correa qui est le président de l'Équateur qui, le 15 août dernier, au Congrès équatorien, a donné, en quelque sorte, a indiqué qu'il allait donner l'autorisation d'exploiter le pétrole dans cette réserve écologique. Alors voilà, la nouvelle est d'autant plus grave ou dramatique et même triste, quelque part tragique, puisque par ailleurs, en 2007, donc si on se reporte 6 années en arrière, Rafael Correa venait d'être élu. Il a été élu par les forces de gauche, les forces autochtones aussi, les mouvements sociaux d'origine autochtone qui avaient s'étaient retrouvés en partie, tout au moins certains secteurs d'entre eux, derrière la candidature de Correa. Et globalement, à cette époque-là, Correa était plutôt un candidat considéré comme progressiste, cherchant à favoriser le développement, un développement équitable et plus juste, et même était prêt à prendre un certain nombre d'engagements pour protéger l'environnement en Équateur. Et donc il a proposé, poussé en cela d'ailleurs par les groupes autochtones et par les milieux de gauche équatoriens, proposé un espèce de grand projet à la communauté internationale, et en particulier à l'ONU, en disant: si vous nous aidez à protéger le parc Yasuni, et si vous engagez, si les pays les plus pollueurs de la planète s'engagent à nous fournir la moitié des revenus que nous fournirait le pétrole si nous l'exploitions, eh bien nous engageons à protéger le parc Yasuni et à ne pas l'exploiter, et ainsi à participer de cette manière-là à la lutte contre la production de gaz à effet de serre, de tonnes de dioxyde de carbone que nécessairement aurait produit cette exploitation et cette extraction du pétrole en Équateur. Et à cette époque-là, en 2007, c'était en pleine époque la d'effervescence, Rafael Correa venait d'être élu, il était élu fin 2006, il y a beaucoup cette initiative, cette proposition a été prise au bon, si je puis dire, par toute une série de gens et d'organisations, d'ONG, d'organisations écologiques qui ont trouvé ça tout à fait extraordinaire. Mais il fallait trouver l'équivalent, quand même, c'était assez important, de près de 4 milliards de dollars. Parce que ça aurait permis à l'Équateur de pouvoir obtenir à peu près 8 milliards de dollars si on exploitait les gisements du parc de Yasuni. Alors, on coupait la poire en deux en disant, si vous nous fournissez la moitié, ça nous aidera et ça sera un peu une manière de faire notre part en termes de lutte au réchauffement climatique. C'était donc un projet très intéressant qui a eu beaucoup d'appui et tout de suite, dans les premiers mois, il y a eu jusqu'à l'équivalent de 100 millions de dollars qui ont été promis pour commencer à amasser cet argent. Donc c'était plutôt bien parti au point de départ. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, la communauté internationale est revenue sur ses promesses, et puis il n'y a pas eu une espèce d'accroissement des dons possibles. Donc finalement, au bout de 6 ans de demandes de part et d'autre, le gouvernement s'est aperçu qu'il n'avait récolté pour la protection du parc Yasuni que 13 millions de dollars. Il y a eu la crise de 2008 entre-temps. Voilà, alors entre-temps, c'est sûr, il y a eu la crise économique de 2008, il y a eu aussi toute la gestion gouvernemental de Coréa en Équateur, toute une série de problèmes qu'il a pu rencontrer, de difficultés aussi qu'il a pu rencontrer. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, donc, ça a été ce refus de la communauté internationale a été pour Coréa c'était le prétexte de dire bon, ben, finalement, on ne peut pas protéger le. On n'a pas les moyens, nous, petits pays d'Équateur, de protéger le parc Assuni. Donc, on va accepter, relancer l'exploitation qui avait été, il y avait eu un moratoire qui avait été arrêté là en 2006 quand il avait pris le pouvoir. On va relancer. C'est un peu comme le cas de schiste au Québec. Peut-être avant, là, j'aimerais bien qu'on explique à nos auditeurs qui est Raphaël Correa. Mais avant, il y a quand même cette notion de Pachamama, le terre-mère qui est importante pour les peuples indigènes. Peut-être nous en dire un mot. Oui, alors c'est justement un des côtés positifs de la gestion de Raphaël Correa. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. C'est un économiste de formation qui a été élu en 2006 et qui a été élu, là il faut que je corrige un peu ce que j'ai dit au tout début de l'émission, qui a été élu sans l'appui des peuples autochtones au point de départ, parce que les peuples autochtones avaient un autre candidat quand il s'est présenté en 2006. Avait un autre candidat et qui n'a pas réussi. Et c'est Correa qui l'a emporté. Mais Correa avait quand même toute une philosophie de gauche, une philosophie progressiste. Il voulait surtout assurer une plus grande justice sociale, renforcer l'État équatorien, redistribuer les revenus de la rente, et notamment de la rente pétrolière en direction. Et il voulait développer une révolution citoyenne un peu, il se trouvait en ce sens-là assez proche d'Hugo Chavez et de Evo Morales en Bolivie, Hugo Chavez au Venezuela. Donc il faisait une espèce de trio plus radical, plus, je dirais, surtout, tous les trois, au fond, peuvent se caractériser à un certain niveau comme ayant décidé de mettre en place des politiques anti-néolibérales. Ouais, c'est une chose, mais il y a aussi le droit des peuples qui est une autre chose. En plus de ça, malgré tout, il y avait ces politiques anti-néolibérales, mais il y avait aussi cette idée de refaire une constitution et d'établir un processus constituant très intéressant avec des dimensions participatives. Mmh. Et donc, où les autochtones ont pu participer, où les mouvements sociaux équatoriens ont pu participer, et donc alimenter toute la réflexion sur la constitution de façon intéressante en y apportant toute une série de dimensions, notamment le droit de la nature, que la nature ait des droits un peu comme les êtres humains, ouais. Notamment aussi au niveau du fait que les peuples autochtones, quand il y a des projets de développement, doivent être... ça c'est inscrit dans la constitution, doivent être prises en compte, c'est-à-dire à travers des référendums qui leur permettent d'avoir ou non leur accord sur tel et tel projet de développement. Donc toute une série d'avancées, on le voit chez Correa, il y a toute une série d'avancées qui sont intéressantes en termes donc de justice sociale, de démocratie un peu plus citoyenne, participative. D'ailleurs, le nom de la révolution que incarnait ou que voulait présider Raphaël Correa, c'est la révolution citoyenne. Donc, des choses, à ce niveau-là, il y a des choses positives, parce qu'il a su reprendre un peu, au moins au début de son mandat, un certain nombre de revendications des mouvements sociaux équatoriens, ainsi que des autochtones de l'Équateur. Les peuples touchés par ce développement, est-ce qu'ils sont une bonne partie de l'Équateur? Est-ce que c'est... Alors, en ce qui concerne le parc Yasuni, ça, il se trouve dans la partie amazonienne de l'Équateur, c'est-à-dire à l'extrême est de l'Équateur. Mm-hmm. Et dans cet immense parc vivent aussi des communautés autochtones, Kichwa, Chouar, et qui représentent à peu près 11 000 personnes. Ouais. Donc, c'est pas comparativement aux 15 millions d'Équatoriens, c'est pas énorme, mais c'est important. Il y a des peuples originaires, des peuples des Premières Nations, comme on dirait ici au Québec, qui sont présents. Et d'ailleurs, on retrouve ce phénomène partout en Amérique latine aujourd'hui avec les nouvelles formes du développement néolibéral capitaliste. Ce sont souvent les autochtones, les peuples autochtones qui se trouvent en première ligne de lutte contre. Parce qu'ils sont dans les régions ressources. Parce qu'ils sont dans les régions ressources, et puis parce que ce sont souvent les régions les plus isolées, qui jusqu'à présent n'avaient pas été touchés par le développement économique et qui commencent à l'être avec tous les problèmes monumentaux, surtout en termes écologiques. Parce qu'on n'aura pas vraiment le temps d'aborder la question, mais je lisais aussi qu'il y a le développement minier. Bénigny qui pose problème en Équateur. Bien sûr, hein, c'est un peu les deux, si vous voulez, les deux volets que cherche aujourd'hui à développer Rafael Correa, c'est le volet pétrolier, le volet minier, dans lequel d'ailleurs plusieurs entreprises canadiennes sont impliquées très activement. Oui. J'ai envie de poser une question. Ça peut sembler un peu saugrenu parce qu'il nous reste peut-être quoi, 3 minutes. Est-ce qu'on devrait souhaiter un printemps indigène en Amérique latine? Oui, certainement, certainement, d'une certaine manière. Mais il y en a, c'est-à-dire ce qu'on peut dire, c'est que depuis les années 90, partout en Amérique latine, il y a un réveil hein, des nations autochtones, des nations indigènes, et un accroissement des luttes portées par les autochtones. Et souvent même... Un peu comme Idle No More. Un peu comme Idle No More, mais souvent qu'on pense au Chiapas du sous-commandant Marcos dans les années 90-94, au moment où se met en place l'ALENA, qu'on pense justement aux luttes de la CONAI, c'est-à-dire c'est la Confédération des Nations Autochtones de l'Équateur dans les années 90, qu'on pense aussi aux luttes Mapuche au Chili, on pense aussi au Pérou, à certaines luttes très importantes qui se déclenchent toujours et qui ont toujours été déclenchées en fonction finalement de développement prévu ou pour le futur ou à venir dans certaines régions très isolées de l'Amérique latine. Mm-hmm. Au fond, c'est tous ces projets de développement, c'est comme une phase ou correspondent à une phase de recolonisation de l'Amérique latine. Hein. Mm-hmm. Et comme à l'heure actuelle, avec le développement de la Chine, on a énormément besoin de ressources énergétiques, de ressources minérales, eh bien, l'Amérique latine apparaît un lieu de rêve pour ça. Et ce sont les autochtones qui sont en première ligne pour rappeler un certain nombre de choses fondamentales concernant les droits démocratiques, concernant aussi les droits de la nature, les droits de la terre-mère, de la Pachamama. Hein. Et en ce sens-là, je pense que leurs luttes sont très, très importantes pour tous ceux et celles qui aspirent à ce que on ne soit pas enfermé dans un seul mode de développement de plus en plus mortifère. Oui, parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est comme un rouleau compresseur, qu'on ne réussira pas à renverser la vapeur, mais il ne faut pas abandonner pour autant. Oui, non, au contraire. Bon, c'est sûr qu'en Équateur, c'est plus... c'est un échec, c'est une défaite certaine, mais la lutte n'est pas terminée. Hein. D'ailleurs, il y a justement ces temps-ci une lutte indigène qui a été soutenue par l'ONG Avaz, hein, à l'Isla Sani, là, qui est aussi importante. Ils ont obtenu plus d'1 million de signatures pour aussi qu'on protège leur territoire et qui se trouve un petit peu au nord du parc Yasuni. Donc la lutte est loin d'être terminée, mais ça nous oblige aussi à réfléchir à ce que sont devenus ou sont en train de venir tous ces gouvernements qu'on considérait très de gauche et très progressistes et qui à l'heure actuelle sont pris dans cette logique de ce qu'on appelle du développementisme ou de l'extractivisme qui peut poser d'énormes problèmes en termes écologiques aujourd'hui. Bien, merci beaucoup Pierre Moutarde. On va sûrement revenir sur justement cette question de gouvernement progressiste qui finalement, quand ils sont au pouvoir, ont plutôt une approche... Oui, ils ne parviennent pas toujours à mettre en place les promesses pour lesquelles ils ont été élus. Ouais. Merci, à une prochaine. We'll be right back. penser à le groupe, Rula Panamericana del Sonido. C'est un groupe qui fait le tour de l'Amérique latine, qui fait des spectacles, qui dit faire de la musique de rue. La chanson s'appelait Chinito Rulo, Dengue Dengue Dengue, Cumbia Ton Refix. On va maintenant écouter l'éditorial du président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Son éditorial, vous vous en doutez bien, porte sur l'entente de principe, on va l'appeler comme ça, tiens, l'entente de principe pour une éventuelle adoption de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. On écoute le président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Ça y est. Après 4 années et demie de négociations tumultueuses, le Canada et l'Union européenne en sont venus à une entente de principe sur un accord de libre-échange. Est-ce que c'est un bien ou un mal, se sont demandé les médias. On a immédiatement déterré un sujet chaud. Les Canadiens pourront exporter davantage de bœuf et de porc, alors que les Européens vendront plus de fromage au Canada. Ce qui est déjà très révélateur de la nature de cet accord de libre-échange. Les négociateurs ont choisi de privilégier les gros producteurs, l'agro-industrie, ceux qui peuvent exporter à grande échelle. Par contre, les fabricants de fromage artisanal du Québec, qui subiront la concurrence de produits grassement subventionnés, ou les petits éleveurs européens, seront les premières victimes de l'entente. Il ne s'agit ici, bien sûr, que de la pointe de l'iceberg. Cet accord, de l'avis même de Stephen Harper, est le plus ambitieux jamais signé par le Canada. Il couvre des aspects aussi variés que les produits et services, la propriété intellectuelle, la protection des investissements étrangers, la mobilité de la main-d'œuvre. La démarche même des négociations d'un tel accord est inquiétante. Tout s'est fait dans un grand secret, malgré des demandes répétées pour une plus grande transparence. Seuls les grands lobbies ont pu influencer en profondeur une entente qui va systématiquement dans le sens de leurs intérêts. Aujourd'hui, l'entente de principe est conçue alors que les négociations ne sont pas terminées, nous dit-on. Est-ce qu'on ne viendrait pas de signer un chèque en blanc? Mais surtout, est-ce que le gouvernement va rendre public le plus tôt possible les textes de l'accord de façon à ce qu'on puisse entreprendre un vrai débat? Plusieurs aspects de l'accord soulèvent de grandes inquiétudes. Le prix des médicaments devrait être haussé considérablement à cause d'une entente qui prolonge la protection des brevets pharmaceutiques. Les grandes compagnies européennes auront accès à nos marchés publics, ce qui nuira au développement de l'économie locale. Une disposition sur la protection des investissements étrangers va permettre la création de tribunaux dont pourront profiter les entreprises pour poursuivre les États. Et ça, même si les importants flux d'investissements entre le Canada et l'Europe montrent que le cadre juridique en place est amplement suffisant pour assurer les investisseurs. La machine de propagande du gouvernement Harper s'est rapidement mise en branle. On lance des statistiques en l'air sans dire sur quoi elles s'appuient. Progression de 20% des échanges commerciaux, générant quelque 35 milliards de dollars d'activités économiques par année, 80 000 emplois créés. On annonce un véritable miracle économique, qui sera plutôt, à notre avis, un gros mirage. Un pareil accord est une importante perte de souveraineté pour les États aux dépens des grandes compagnies. Celles-ci pourront exporter davantage, mais à l'encontre des petits producteurs, selon la logique prédatrice de la mondialisation. Par exemple, comment une petite coopérative locale pourra-t-elle concurrencer une multinationale dans un appel d'offres? Par la disposition sur les investissements étrangers, les grandes compagnies seront à même de s'attaquer à toute législation qui ne leur convient pas, comme Lone Pine Resources, qui poursuit dans le cadre de l'ALENA le gouvernement canadien pour 250 millions de dollars à cause du moratoire sur le gaz de schiste. On nous annonce que l'accord de libre-échange pourrait prendre jusqu'à 2 ans avant d'être approuvé par les 10 provinces canadiennes et les 28 pays membres de l'Union européenne. Une véritable bataille va alors se jouer. Il ne faut pas compter sur le gouvernement canadien pour débattre démocratiquement de cet enjeu majeur. Son acharnement à garder le secret pendant les négociations en est la preuve. Et il aura les moyens d'adopter le tout en évitant le plus possible les grands débats si une opposition ne parvient pas à s'organiser. D'où la nécessité d'obtenir les textes de l'accord pour les analyser et en comprendre toutes les conséquences. Il faudra réfléchir à quel type de société nous voulons pour l'avenir. Est-ce qu'on veut donner toujours plus de pouvoir aux grandes corporations, réduire celui de l'État, même si une pareille combinaison nous a menés directement à la grande crise économique de 2007-2008 dont nous subissons encore les conséquences? À l'abri des changements de gouvernement, cet accord sera là pour durer. Voilà pourquoi il est essentiel d'exiger un véritable débat démocratique à son sujet, plutôt que d'accepter aveuglément une entente dont on n'aura pas anticipé toutes les conséquences. Voilà, c'était l'éditorial de Claude Vaillancourt sur toute cette question d'entente de principe pour l'adoption d'un éventuel accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. C'est un des trois enjeux que Katak Québec suit attentivement, l'autre étant la taxe sur les transactions financières. On va poursuivre en musique d'ici la fin de la demi-heure, et dans la deuxième partie de l'émission, ce sera la chronique de notre ami Renaud Blais. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? 89.1. L'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur? CKRL. Si l'amour manque de beauté, et si la beauté est inséparable de la bonté, il manque aussi de bonté. L'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amour? L'Amicale des arracheuses et arracheurs de dents de Québec, organisme reconnu par l'ONU, vous présente son concours de menterie. Des conteuses et des conteurs de toute la galaxie tenteront de convaincre des juges de renommée mondiale que leurs histoires sont vraies. Le concours n'est pas ouvert aux professionnels du mensonge. Dentiste? Ça fera pas mal. Vendeur itinérant? C'est fait au Québec. Banquier? Vous êtes important pour nous. Politicien? Avocat? Mon client, M. Marcoux, est un homme respectable. Le samedi 9 novembre à 14h au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Il se lance à corps perdu dans le vide vertigineux de l'amour, espérant y trouver une main amie, un sens à leur vie. L'amour peut-il être heureux? Du 13 au 19 octobre, les élèves du Conservatoire d'art dramatique de Québec entrent en scène dans La réunification des deux Corées. Un texte de Joël Pomera, mis en scène par Michel Nadeau. À voir au Théâtre du Conservatoire. Billets 10$ et 5$ en vente au Conservatoire. 88-643-0494. Notre histoire commence dès 7h alors que Madame Popote s'active au déjeuner qui seront servis jusqu'à la fermeture. Puis elle prépare un plein comptoir de plats maison avec des produits locaux, frais et santé. Quand vient le dîner, elle confectionne aussi des boîtes à lunch individuelles ou de groupe. Elle livre le tout gratuitement sans se laisser distraire par le loup. Pendant que les adultes profitent d'un tirage mensuel, les enfants raffolent du coin bonbon. Alex, la bouche pleine, déclare soudain: « Le salé, c'est pour se nourrir. Le sucré, c'est pour le plaisir. » Papote, popote et potin. 1501 Chemin de la Canardière, 418-522-6667. Visitez notre page Facebook. Du 15 au 27 octobre, soyez à l'écoute de Midi Jazz, qui vous mettra au parfum de la 7e édition du Festival de Jazz de Québec. 13 jours de festivités, 80 spectacles avec des artistes de renommée internationale. Suivez avec nous le circuit jazz à travers la ville de Québec à l'émission Midi Jazz, du lundi au vendredi, dès midi. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. Nous sommes de retour, vous écoutez le grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Cette semaine, donc, c'est la chronique mensuelle de Renaud Blais. Renaud ne pouvait pas être avec nous, il avait d'autres obligations, mais on s'est quand même parlé, lui et moi, plus tôt. On a fait un enregistrement de tout ça, et je vais vous présenter cet enregistrement, et je vais au besoin intervenir, mais c'est pas mal Renaud qui va parler. Donc, on écoute la première partie de mon entretien avec Renaud Blais, suivi du début de son entretien avec son invité que je vous laisse nous présenter. Donc, on écoute Renaud Blais. On écoute l'entretien, pardon, avec Renaud Blais. Bonjour Renaud. Bonjour. Renaud, peut-être dans un premier temps nous te présenter, nous dire qui tu es et puis nous parler de ta chronique, quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici. Bon, moi je suis militant intermondialiste depuis les suites de Seattle. J'ai travaillé beaucoup pour 2001 et c'était à Québec. Puis je suis également un Indien inscrit à part entière, ce qui fait de moi un métis. Alors, moi, ma chronique se situe dans l'esprit. Bon, depuis des décennies, moi, je me fais le promoteur de la reconnaissance et du respect de la diversité comme étant la nature même de la communauté humaine. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, je vous présente le résultat d'une entrevue avec M. Jules Mungombe Va Liembo, né en République démocratique du Congo. Je vais être très bref dans ma présentation parce que j'ai retenu beaucoup, pas mal long de l'entrevue. Fait qu'on va retenir que M. Mungombe parle à un moment du président du Burundi qui a été tué dans un accident d'avion. Mais dans le même avion qui a été abattu, c'est pas clair par qui, là, il y avait aussi le président du Rwanda. Alors ce fut un 2-pour-1 qui est souvent vu comme le début du génocide au Rwanda. Aussi, vous constaterez que d'avoir un sérieux problème de santé quand on est réfugié, ça leur procure des avantages. C'est un beau paradoxe. Alors, je vous laisse écouter les extraits de la première extrait de l'entrevue que j'ai effectuée. En deux mots, qu'est-ce qui fait que vous avez quitté votre pays? J'ai quitté mon pays à cause des atrocités de la guerre qui est intervenue à l'est de mon pays, le Congo démocratique. J'ai vécu au Burundi depuis plusieurs années, depuis 1996, je suis au Burundi. Oh, avec la première guerre, oui, je suis ça. Oui, par le Burundi, okay. Oui. J'ai vécu longtemps au Burundi, j'ai travaillé au Burundi avec les deux communautés, les Hutus et les Tutsis, sans aucun problème. Mais ce sont des gens qui sont d'ailleurs très pauvres et qui, devant l'argent, cèdent facilement pour être utilisés pour nous piller. Oh, oui, quelqu'un qui ne mange pas, ça fait il ne mange pas, on lui donne l'argent. Est-ce qu'il va refuser? Voilà. Il ne va pas refuser. Alors, vous avez vécu plusieurs années au Burundi, vous êtes? Oui. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez déjà réfugié ou... Oui, quand j'ai traversé la frontière, j'étais directement réfugié. Je suis allé me présenter. Oui, oui, oui, oui. Ah, okay. Oui. Je m'étais présenté au ACR et j'ai été reconnu avec le statut de réfugié. Quand vous êtes dans un camp de réfugiés ou... Non, bon... Vous avez dit que vous avez travaillé ici, vous étiez un peu plus autonome? Oui, ou... oui, oui. Au Burundi, bon, il existe deux catégories de réfugiés. Il y a ceux qui sont appelés des réfugiés urbains et d'autres qui sont... appelés les réfugiés qui habitent dans les camps. Il y a deux catégories. Vous avez le statut de réfugié, on ne vous supporte pas. Donc ce sont ceux qui ont un niveau académique un peu élevé, qui peuvent se débrouiller, alors qui étaient des réfugiés urbains. Ceux qui ont un niveau académique, ou bien ceux qui savent se débrouiller pour chercher... Un travail? Non, pour chercher soit de l'argent ou à manger. S'ils sont capables de se supporter seuls, ils restent dans la cité. Tandis que les autres qui n'ont pas de moyens, ils sont internés dans les camps. Ils sont internés dans les camps. C'est pas comme ici où le gouvernement supporte à 100% les réfugiés. Parce que le gouvernement lui-même du Burundi et du Rwanda, c'est un gouvernement qui est très pauvre et qui ne vit que des aides. Quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui fait que vous avez quitté le Burundi? J'ai quitté le Burundi à cause des problèmes de la santé. La santé de mon enfant et de ma mère aussi. Mon enfant avait des problèmes de la vision. Quoi. Il avait des problèmes... Vous êtes parti de la famille entière? Oui, donc y a un système pour l'ACR. Quand il y a un cas grave de maladie qui se présente dans une famille, au lieu de déplacer une ou deux personnes de la famille, donc ils trouvent qu'ils vont créer un déséquilibre au niveau de la famille. Alors ils avaient décidé à ce que quand il y a un problème très grave de la santé qui se présente, on évacue toute la famille pour chercher une réinstallation dans un milieu où cette personne peut avoir les soins appropriés. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes... Est-ce que vous saviez, quand vous avez quitté le Burundi, que vous reviendriez au Canada? Bon, il a fallu attendre beaucoup d'années. Hein. J'ai fait au moins 4 ans mon dossier, a traîné pendant 4 ans au niveau du ACR, hein, pour qu'on m'apprenne qu'il a été sélectionné par le gouvernement du Québec. Et à la 4e année, on a été déplacé. Et vous avez été sélectionné par le Québec? Oui. Oui. Ok. Comme francophone et formé un peu académiquement, c'est des bons points pour vous. Oui, oui. Okay, ouais. Parce que tous mes enfants devaient faire maintenant, il y a beaucoup qui devaient aller à l'université, d'autres au secondaire, et on avait choisi aussi le Québec à cause de la langue, quoi. Parce que j'ai été formé de la maternelle à l'université en français. Okay. Alors j'ai trouvé que si je vais dans un milieu anglophone, j'aurais des difficultés pour recommencer à apprendre. Réfugié au Burundi, 4 ans pour être sélectionné? Non, pas 4 ans, plusieurs années. Ah, donc votre 4 ans commence à un moment donné au Burundi, mais c'est pas Depuis 96 jusqu'en 2010, je suis au Burundi. 15 ans, donc vous avez une partie de vos enfants là? Oui. Bon, maintenant... Alors, vous arrivez au Québec, et pourquoi Québec? Et non pas Montréal, Ottawa, Gatineau... Bon, quand on quitte l'Afrique, là, on vous dit que vous allez au Canada. Vous ne saurez pas que c'est Montréal ou... De toute façon, quand j'étais à l'école secondaire, j'avais appris en géographie parce que mon premier professeur de mathématiques était québécois, était canadien. Mon professeur de français était canadienne. Il y avait Guy Leblé qui me donnait mathématiques et Christine Marie Gagnon qui me donnait français. C'est à partir de ce moment-là, et le directeur qui était aussi canadien, c'était un prêtre là, c'est à partir de ce moment-là qu'on avait des idées, on avait appris quand même quelque chose sur le Canada. Alors, on savait qu'au Canada, il y a le Québec où on parle français et les autres parties où on parle anglais. Alors... Pour vous, c'était évident que ce serait le Québec? Oui, le choix, j'avais préféré Québec. Ok. Pourquoi la ville? Ma question, c'était pourquoi la ville de Québec et non pas Montréal? Pour la ville, là, je ne sais pas. Parce que, bon, quand on est venu, on était deux familles. Une famille de réfugiés urbains, c'était ma famille, et une autre famille de réfugiés qui était dans les camps. Cette famille là-bas a été amenée à Sherbrooke. Alors, chez moi, quand on cherchait dans la carte, on cherchait Sherbrooke, c'est où? On ne voyait pas. On ne voyait que Montréal, Québec, Vancouver, Toronto, là où il y avait des grands aéroports. Ouais. Mais sinon, pour le reste, là, on ne savait rien. Alors, c'est le hasard ou presque? Ce n'est pas le hasard, parce que moi, je connaissais le Québec depuis que j'étais à l'école secondaire en 72. Ouais. Notre géographie, la géographie du monde entier. Le monde entier, on connaissait le pays, la capitale et même le président de ce pays. Là, on devait connaître par cœur là, les fleuves Saint-Laurent, Mississippi, Missouri, le Brésil, tout ça. On connaissait par cœur là. Donc, en 1972, donc, vous avez Pierre-Éliott Trudeau qui était le premier ministre du Canada avec la reine d'Angleterre qui est toujours là. On connaissait la reine d'Angleterre, on connaissait le président des États-Unis d'Amérique, mais ici pour le Canada, on ne connaissait pas le président. Ah, Mais on n'a pas de président. On n'est pas venu ni c'est une reine. On ne connaît pas, on ne connaissait pas ce système. Okay. Ce n'est qu'avant de venir qu'on a appris que non. Bon, pour la musique qu'on fait entendre, nous écouterons une pièce qui remonte à l'indépendance de l'ex-Congo belge. Autrement dit, c'est une pièce qui a été écrite pour célébrer l'indépendance en 1960. Puis vous retrouverez sur le blog de l'émission le lien pour visualiser cet enregistrement sur YouTube. Alors, on l'écoute. Indépendance, cha-cha, aux oubliés. De son avec cette chanson. On ne va pas l'écouter au complet. On va mettre le lien sur notre blog, le lien vers YouTube pour écouter la chanson au complet. Donc, vous pourrez plus tard dans la journée, là, vers la fin de l'après-midi, vous pourrez écouter Indépendance Tcha-Tcha, la chanson qui avait été proposée par l'invité de Renaud Blais. On poursuit donc l'entretien avec la troisième partie de cet entretien que faisait notre ami Renaud Blais cette semaine avec son ami congolais. Oui, c'est intéressant. Vous voyez que c'est toujours mon interviewé qui me suggère des pièces. Puis bon, j'avais demandé une courte pièce qui était éloquente de ce que c'est le Congo. Mais bon, il remonte aux années 60. Il dit que oui, même depuis l'indépendance, c'est un pays qui est demeuré colonisé. Oui. Ensuite, on va continuer avec le deuxième extrait. Oui. Alors, ces atrocités, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour que les gens puissent comprendre? Par atrocité, le mot atrocité dit beaucoup de choses. Il y a des tueries, il y a des massacres, il y a des viols, le pillage des ressources naturelles et beaucoup d'autres choses. Si vous tuez un oiseau ici, vous allez en prison. Mais là, il y a des millions. Actuellement, c'est 8 à 10 millions. On dirait presque toute la population du Rwanda qui est décédée. Mais il n'y a personne qui fait des bruits. Mais si c'était l'Israël, si on tuait un Israélien, ou bien on tuait, je ne sais pas, un Syrien, si on tuait, je ne sais pas qui, la radio parle, tout est médiatisé. Mais s'il s'agit du Congolais, donc on vient de nous apprendre des histoires qu'on ne connaissait pas. Les tueries, les massacres, là, les viols, là, chez nous, on ne connaissait pas ça. Bon, c'est une nouvelle culture qu'on vient tenter de nous imposer. Le Congo partage sa frontière avec au moins 9 pays. Et de tous ces pays là-bas, on a des problèmes avec aucun pays, sauf le petit Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que le Rwanda est instrumentalisé par des grandes puissances internationales qui en profitent pour venir pousser trop stéréotypes? De toutes les façons, les Rwandais, tels que moi je les connais, n'ont pas de problème avec les Congolais. Ils sont utilisés par la communauté internationale pour nous faire la guerre et en profiter pour nous voler des richesses. On ne va pas continuer éternellement à mourir à cause de notre richesse. Là, ça ne va pas. De votre village, il y avait eu déjà des attaques? Non, c'est un peu partout, à l'est du Congo. Ah ouais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même situation qui continue. C'est depuis 1996, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. À peu près sans arrêt. C'est par période. Et à cause de cela, il y a eu création de beaucoup de groupes armés qui sont éparpillés un peu partout, là, surtout dans les endroits où il y a des ressources minières. Là. On entend d'ici que nos multinationales, parce que bon, le Canada est très important en termes d'extraction minière, engagent ces groupes armés pour protéger leurs installations. Est-ce que ça fait un écho pour vous? Je pense que ce ne sont pas des mensonges, c'est une vérité. C'est une vérité. D'ailleurs, je vous ai préparé un document, les prédateurs de la République démocratique du Congo. Il y a un groupe armé qui se dit M23, le groupe du 23 mars, qui en réalité n'est pas constitué des ressortissants du Congo, qui s'est fait passer pour des Congolais et qui voudrait nous imposer une manière de vivre. Et alors, avec ces groupes-là, ils vont s'installer dans des endroits de notre territoire où il y a beaucoup de gisements. Et alors, ils vont commencer à contrôler. Quand ils contrôlent là-bas, il y a des avions qui vont quitter leur pays pour faire le transport illégalement des minéraux. Comment ça se concrétise dans le quotidien? Vous entendez parler qu'il y a un village voisin qui était attaqué, vous pressentez qu'on va se rendre chez vous la semaine suivante ou le jour suivant, ou vous êtes un rescapé d'une attaque. Vous essayez d'illustrer un petit peu pour les gens qui sont avec vous. Mais en réalité, la guerre que le Congo connaît, c'est une guerre qui est imposée. On nous impose une guerre. Le Congo est victime d'un complot presque international, quoi, où on utilise un petit pays comme le Rwanda pour aller semer le désordre chez nous. Ici, je parle en tant que citoyen congolais. Je ne fais pas la politique. Oui, oui. Je ne suis ni combattant, ni résistant. Je suis un simple réfugié, victime de ces atrocités qui me retrouvent aujourd'hui, ici à Québec et au Canada. Est-ce que vous croyez que c'est une guerre qu'on pourrait qualifier de politique ou plutôt économique? Comme vous dites, c'est une question de pillage de ressources. La guerre qu'on nous a imposée, c'est une guerre qui est économique, parce que le Congolais souffre à cause de la richesse de son sol, son sous-sol, sa faune, sa flore, etc. Qu'on vient piller. Oui, oui. Ils viennent piller parce qu'ils ne veulent pas payer les taxes. Ils trouvent que payer les taxes, ce n'est pas bon. Alors ils cherchent un moyen d'aller comme s'ils allaient seulement dans une source d'eau où ils vont puiser de l'eau et rentrer avec à domicile, alors qu'il existe des droits dans chaque pays pour toute activité taxable. Est-ce que ça veut dire que le régime politique en place n'arrive pas à contrôler son pays, qu'il n'y a pas les ressources pour... Le régime politique, on pourrait le considérer comme un complice, de ce désordre qui se crée presque depuis l'indépendance 1960. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais connu une réelle indépendance, ni même pas une réelle paix, quoi. Le pays est très, très, très scandaleusement riche, mais avec une population scandaleusement pauvre, très, très pauvre, vivant avec moins. J'ai dit une famille, pas une personne, une famille qui vit avec moins de 1 dollar américain par jour. Rendez-vous compte comment ces gens vivent. Vous parlez de sous-sol. Pour nous, c'est relativement simple à comprendre, les mines et tout ça. Mais quand vous parlez de faune et de flore, vous pensez à quoi? C'est les animaux, les animaux. Nos parcs sont presque totalement détruits. Le parc, il y a des animaux qui attiraient les touristes, quoi. Il y a les gorilles, il y a les chimpanzés, il y a les singes et beaucoup d'autres animaux, les okapis, les éléphants. Donc il y a une variété scandaleuse des animaux. Ils font le pillage. Oui, oui. Sans paiement ni d'impôts ni de taxes. Non. Quelquefois, ces animaux sont. Il y a le braconnage, on les tue. On tue les éléphants pour l'ivoire. On tue les éléphants pour l'ivoire, les chimpanzés, les gorilles pour leur. Pour consommer la viande. C'est un sabotage. Là. Okay, ouais. Ce n'est pas une survie, non. Non. Uh-huh. Le bois est exploité, ils abattent les arbres. Des bois précieux, ça. Les bois précieux, oui, les bennes. Et beaucoup d'autres variétés d'arbres que je ne connais pas. Ouais. Des milliers de variétés, quoi. Quand vous dites que c'est une guerre entretenue, il y a une dimension possession du territoire. On s'empare du territoire. Et ils font toujours pour les richesses. Toujours pour les richesses. Je pense que ce qu'ils cherchent, c'est la balkanisation du Congo. Mais les Congolais n'accepteront jamais que leur pays soit balkanisé. Jamais, jamais, jamais, jamais. Donc ils cherchent les partis qui sont beaucoup plus riches là-bas, qu'ils veulent annexer, soit à l'Ouganda, soit au Rwanda. Là, il y a du pétrole, il y a le coltan, il y a l'or, il y a le diamant, beaucoup de sang. J'ai une liste ici de plus de 52 multinationales qui sont les prédateurs du Congo, qui nous exploitent illégalement et qui nous font la guerre. Qui pillent tous les jours. Qui pillent tous les jours. Donc vous dites bien, pour que la situation change, il faudrait que la communauté internationale intervienne ou cesse son pillage par les grandes multinationales privées interposées. Oui, oui. Non, c'est ça. Ah, c'est pas des États là, qui vont piller. Là. Ce sont des multinationales. Privées, ouais. Oui, oui. Ce sont des multinationales. Donc vous avez une liste qui est officiellement publiée. La liste est là, avec les noms des grandes personnalités. Le jour, ce sont des personnalités politiques. Le soir, ils dirigent les multinationales. Les perspectives d'avenir ne sont pas hautes. Vous ne voyez pas qu'il y a un changement qui se pointe. Vous voyez pas que... Parce que la situation ne change pas. Il y aura toujours des gens qui auront intérêt à entretenir cette guerre. J'ai peur. Je pense que si l'Organisation des Nations Unies ne trouve pas une solution à cette guerre, j'ai peur qu'à la longue, que la situation qui s'était produite au Rwanda en 1994 ne puisse se reproduire. Oui, Renaud, on va maintenant conclure ton entrevue. Alors, mettrons deux documents sur le blog de l'émission. Le premier fait état de quelques atrocités avec des liens et des photos très difficiles à voir, là, les cœurs sensibles, soyez prudents. Puis le deuxième est une liste des principaux prédateurs des ressources de la République démocratique du Congo. C'est un document qui est disponible sur le web. Il fait état des principales grandes entreprises multinationales, très souvent canadiennes, qui pillent les ressources du Congo dont il est question dans l'entrevue. Puis vous allez voir, je pense que le premier, c'est Barrick Gold avec les. Puis il y a une colonne où on liste les principaux actionnaires. Puis vous voyez George W. Bush, puis Alors, rappelons, par exemple, que le génocide au Rwanda là, a engendré 800 000 morts. Mais en République démocratique du Congo, depuis 1996, on est rendu à 8 millions. C'est juste 10 fois plus. Et c'est incroyable. Ouais. 8 millions, les gens n'ont pas conscience de ça. Le petit gouvernement du Rwanda qui est instrumentalisé pour, comme le dit mon invité dans l'entrevue. Alors, sur ce, chers auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec probablement en entrevue une personne d'origine algérienne. On va entendre ça avec beaucoup d'intérêt, Renaud. Merci beaucoup. Au revoir. Et portez-vous bien. Oui, assez touchant, au fond, assez troublante cette entrevue que Renaud a obtenu. On va poursuivre dans un tout autre ordre d'idées, transition qui est peut-être un peu plus difficile à faire pour moi après avoir écouté ça, pour vous aussi j'imagine. Mais quand même, il faut poursuivre, donc à surveiller cette semaine grâce au calendrier média de la démocratie en action. La démocratie, c'est vous. C'est produit par le réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches. Il y a d'abord une marche contre la répression des personnes marginalisées. Ça, c'est organisé par la Ligue des droits de l'homme le 22 octobre à 12h, midi. C'est au Jardin Saint-Roch à Québec qu'on se donne rendez-vous. C'est au coin de la rue de la Couronne et Côtes d'Abraham. Alors donc, nous sommes invités à cette marche silencieuse contre la répression des personnes marginalisées parce que les contraventions, la répression, l'intimidation ou la violence ne sont pas des solutions. La Ligue des droits et libertés revendique des services adaptés à la réalité de ces personnes marginalisées, c'est-à-dire un drop-in, une clinique juridique, clinique de santé, un site injection supervisée, l'élimination des règlements municipaux discriminatoires aussi. De plus, la Ligue veut favoriser l'utilisation des services alternatifs déjà existants. C'est donc un rendez-vous mardi 22 octobre à midi au parc Saint-Roch au coin de la rue de la Couronne, les Côtes d'Abraham. Et la marche va se diriger vers l'hôtel de ville de Québec. Ensuite, Québec, de quoi t'as l'air? L'impact des industries sur la qualité de l'air à Québec. On connaît toute la controverse autour de ces fameux nuages de poussière au-dessus de Limoilou. Ça, c'est aussi le 23 octobre à 19h15. C'est au centre Monseigneur Marcot. C'est au 1885 chemin de la Canardière à Québec. C'est André Bellil qui est le conférencier qui, depuis 31 ans, Imaginez, 31 ans est au cœur de l'action en environnement au Québec, est à l'origine de plusieurs des plus importantes campagnes d'éducation populaire en environnement. C'est le fondateur et le président de d'AQLPA, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Dans cette présentation, André Bellil va aborder les problèmes de qualité de l'air en général et plus particulièrement les problèmes récents de poussière de nickel et de charbon provenant du port de Québec, dans un contexte plus global où s'inscrit en plus la pollution locale, c'est-à-dire incinérateur, raffinerie, véhicules automobiles, etc. Également, il sera question de l'engagement et des succès des citoyennes et citoyens de Québec, en particulier du travail remarquable de Mme Lalonde dans la perspective, j'avais cette femme qui s'est élevée justement contre le port de Québec, dans la perspective que l'engagement citoyen est un gage de succès quand on veut défendre son droit à un environnement sain. Il y a une contribution volontaire qui est demandée, on parle d'un montant de 2 à 5 $. Je soutiens le communautaire Grand Rassemblement. Ça, c'est le 24 octobre à 11h30. C'est à Québec. Le lieu n'est pas encore déterminé. Donc, si vous allez sur le site Je soutiens le communautaire en un seul mot.org, vous allez éventuellement avoir le lieu de départ, mais la marche va se terminer devant l'Assemblée nationale. Donc, à la limite, peut vous rendre devant l'Assemblée nationale. On vous invite à appuyer tous les secteurs de l'action communautaire autonome lors de ce rassemblement où chaque groupe va porter ses couleurs et va aussi faire part de ses revendications. Unis pour être mieux reconnus et financés, c'est un peu le slogan de cette marche du 24 octobre, 11h30. Ensuite, les infogares et la sécurisation d'Internet. Ah, ça, c'est à la bibliothèque Gabriel-Leroy, la salle Gérard-Martin, le 24 octobre à 19h. C'est une conférence de Stéphane Lemand-Langlois, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en surveillance et en construction sociale du risque de l'Université Laval. Piratage informatique, hacker, virus, cyber. Espionnage. Donc, il va être question de toutes ces questions-là, le lien avec les conflits internationaux qui ont souvent le web comme toile de fond, etc. Donc, ça reste très intéressant. Spectacle de Bluegrass en terminant, bénéfice pour notre station sœur, c'est KIA, c'est le 25 octobre à 17h30, c'est à la Ninkasi du Faubourg. C'est KRI, on fait souvent aussi des choses à la Ninkasi, un lieu qu'on aime bien. Alors donc, sur ce, je lève mon chapeau pour les gens de CKIA. C'est le mot de la fin. Merci à notre invité, merci à Pierre Moutarde pour ses explications de la situation en Équateur. Merci aussi à Renaud Blais et à son invité qui nous a sensibilisés aux problèmes que vit actuellement depuis longtemps le Congo. Alors, je vous rappelle donc que les enregistrements sont disponibles sur le site de CKRL, sur le site d'Attaque Québec, aussi sur notre blog legrainsable.qc.org. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine, chers auditeurs. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des matins éphémères et de change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200 $ sera offert par la chocolaterie Érico. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. C'est à notre tour de vous gâter. Aujourd'hui, je sors de prison. Mon père vient me chercher dans un char volé avec de la coke dans la boîte à gants puis une pute sur la banquette arrière. Mon père avait pas changé. Il y avait sans doute une raison pour qu'il soit soudainement si gentil. Le Théâtre des Miettes dans la Caboche présente du 15 octobre au 2 novembre à premier acte la pièce Coronado de Denis Léhaine, l'auteur de Mystic River. Ce projet est réalisé grâce au soutien de l'Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Québec. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. soyez un amateur de musique ou un collectionneur averti, le 9 novembre aura lieu la première foire du disque de Québec. Des vendeurs de toute la province seront présents avec des milliers de disques vinyles. Rendez-vous de 10h à 16h au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du blues avec le légendaire Eric Burdon. Leader du groupe The Animals dans les années 60 et de la formation californienne War dans les années 70, le chanteur britannique nous présente son nouvel album Till Your River Runs Dry ainsi que ses grands succès. Le 24 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Eric Burdon. Détails au palaismontcalm.ca.